Bienvenue à Technopolis. Vous venez de pénétrer les frontières de l'hyperdance. Ici, le tempo est obligatoire. Pour votre confort, nous vous conseillons de vous débarrasser de vos préjugés, idées reçues et autres bagages qui pourraient gêner votre traversée. Notre DJ HS s'occupe de tout. Attention à la fermeture des portes. Technopolis. Technopolis en route. Double pistol. Techno. Technopolis. Avec HS. Contact FM. Dance FM. We'll be right back. We'll be right back. Technopolis. Vous y êtes.